enfermé dans ta tête, replié sur ton être, par peur d'affronter la réalité. Tu revis tes conquêtes, tes plus cuisants échecs, réinterprétés, imaginez, il te suffit de rêver pour avoir sans sourciller tout ce que tu rêvais à ta portée. Mais à trop rêver, on ne peut plus apprécier ce que la vie nous offre. En vérité, vis ta vie au lieu de la rêver. Tu verras, c'est pas plus compliqué. Vis ta vie au lieu de la rêver. Tu verras, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Alors t'essaies de concilier rêve et réalité, mais sans grand succès. Au fond tu t'es réfugié dans une prison dorée, et tu es emprisonné. Tu as choisi la solution de facilité, mais tu t'es trompé. Mais à trop rêver,